Émile le Hibou de Marie-Odile Ackermann. Il était une fois, dans une grande forêt, un grand hibou qui s'appelait Émile. Il habitait au creux d'un grand chêne et faisait le bonheur de tous les habitants de la forêt. À ululer, dès que la nuit tombait, il veillait sur le repos de tous, petits et grands. Émile était le gardien vigilant des nuits tranquilles de la grande forêt, quand tous, grands et petits, dormaient. Mais voici qu'un beau jour, ou plutôt une belle nuit, Émile, après avoir ululé comme d'habitude, se rendormit et se mit à ronfler, si fort que bientôt tous les habitants de la forêt, grands et petits, se réveillèrent. Le lendemain, et puis toutes les nuits suivantes, Émile ronfla de plus en plus fort. Les yeux encore rougis du manque de sommeil, les animaux de la forêt, grands et petits, se réunirent au petit matin, dans la clairière non loin du grand chêne, pour chercher une solution. « Cela ne peut pas durer, mes amis, » dit le grand cerf, le roi de la forêt. « Non seulement Émile ronfle si fort qu'il nous empêche de dormir, mais nous n'avons plus notre gardien qui veille sur les nuits de la grande forêt quand tous, grands et petits, dorment. Il faut trouver une solution. » Et tous, le cerf et la fouine, le sanglier et le héron, la taupe et le renard, se mirent à réfléchir. Pour ma part, je propose que nous préparions pour Émile une infusion de pousses de jeunes sapins. J'ai remarqué que c'est très revigorant, suggéra le cerf. Moi, je peux préparer une gelée de baies de la forêt, c'est plein de vitamines, dit la fouine. Une décoction de gland, c'est très bon. Cela me garde en forme toute l'année. Je peux en ramener pour Émile, suggéra le sanglier. Une salade d'algues que je pêche au fond de l'étang. Je suis sûre que cela tiendra Émile réveillé toute la nuit, proposa à son tour le héron. Avec des racines, rajouta la taupe. J'en ai toute une collection des plus rares dans mon garde-manger. Je connais les clairières où poussent les meilleurs champignons. Ce sera un excellent remède pour Émile, conclut le renard. Les détails mis au point, les animaux de la forêt rentrent chez eux et commencent la préparation de leur recette. Et tous les jours, au petit matin et avant la tombée de la nuit, chacun vient proposer sa préparation à Émile le hibou. Une semaine plus tard, malgré toute la bonne volonté d'Émile qui a avalé infusion, confiture, décoction, salade d'algues, de racines et de champignons, rien n'a changé dans la grande forêt. Dès que la nuit tombe, Émile ronfle, mais alors ronfle et de plus en plus fort. Et les habitants de la forêt, eux, n'arrivent toujours pas à fermer l'œil. Un soir, à la nuit tombante, les animaux de la forêt, grands et petits, se retrouvèrent découragés et fatigués, dans la clairière tout près de l'étang, sous le grand chêne d'Émile. Bruit de voix, écho de discussion, mais que faire? Brouhaha, débat. Le renard, qui avait l'œil vif et malin, malgré la fatigue, sursauta tout à coup et s'écria « Taisez-vous, je crois que j'ai trouvé. Regardez là-bas sur le pré. » Les animaux firent silence et écarquillèrent les yeux. Là-bas, sur le pré, des dizaines, des centaines de petits points lumineux dansaient au-dessus des herbes. C'était la fête chez les Lucioles. La reine des Lucioles accepta tout de suite d'aider les animaux de la forêt. Et depuis, miracle, Émile ne ronfle plus. Dès que la nuit tombe, dès le premier ululement d'Émile, une armée de petites lucioles vient s'installer sur son bec, fait des sarabandes, folle autour de sa tête, scintillant de tout leur feu. Émile ne pense même plus à s'endormir. Et les animaux de la forêt, grands et petits, ont retrouvé la paix et leur sommeil, car Émile, le hibou, veille à nouveau toute la nuit.